J'avais écouté un enregistrement de Bernard de Montréal qui disait que s'il avait le choix entre faire des conférences en tant qu'initié ou vendre des patates frites dans un petit restaurant, il préférait vendre des patates frites. Ouais, ben ça fait bizarre parce que n'importe qui aurait pu dire, ben, fais ça, t'sais. Mais lui, ce qu'il disait, de ce que je comprenais, c'est qu'il n'a pas le choix de faire les conférences. Puis là, il expliquait qu'à la base, il étudiait en engineering pour être ingénieur. Puis là, il a bifurqué de ça, puis il est amené à faire des conférences au supramental au Québec, alors qu'à l'origine, il étudiait aux États-Unis. Donc, lui, il disait qu'il était comme manipulé là, pour en venir à ce point-là là, par les forces. Quand souvent, là, on pense qu'on n'a pas le choix, c'est justement parce qu'on s'est fait mettre ce pensée-là pour nous forcer à accomplir une programmation. Donc, on a plus le choix qu'on pense. Donc, Mais c'est paradoxalement, parce c'est que. intéressant ce que tu dis, parce que l'un des paradoxes, c'est de se faire dire qu'on n'a pas le choix, mais si on nous dit ça, c'est parce qu'on a le choix, parce que sans ça, on ne pourrait pas en remettre en question le choix. C'est ça. Parce que comme pendant un bout de Sergio Poirier, il me parlait de ce qu'il pensait qui serait sa dernière épreuve à lui. OK. Puis moi, à un moment donné, j'avais dit, s'il t'envoie la pensée que c'est ça la dernière épreuve que tu vas avoir, tu peux être sûr que ce sera pas ça. Puis finalement, c'est pas ce qu'il pensait qui est arrivé. Fait que je me méfie bien gros de tout ça, genre j'ai pas le choix. Des fois, il y a des affaires, ouais, je le sais, j'ai pas le choix. T'sais, pour vrai, parce que là, c'est mécanique, puis c'est fait que je suis comme ça. Mais il y a d'autres affaires, des fois, que je pourrais, puis qu'il me vient l'idée, que j'ai bien la pensée, j'ai pas le choix, là je questionne. Là. Je me questionne, même, je vais remettre ça en question. Genre, est-ce que vraiment, j'ai pas le choix? Parce que c'est une défaite que je me donne. Tu sais, c'est un peu comme. Ben, j'étais malade dernièrement, puis là, j'avais du mal, fait que dans ce temps-là, bon, le contact il est facile, on dirait. Parce que, bon, puis finalement, ce que ça me disait, moi, ça m'a dit dès le début ce qui se passait, mais je le croyais pas. Puis finalement, ça me disait, ben, si t'endures encore tant de temps, ben, tu vas être correct après, puis bon. Mais t'as le choix. Puis j'ai choisi d'aller me faire injecter des antidouleurs. Mais c'est pas juste. Tu sais, quand tu doutes que tu as le choix, c'est parce que tu l'as des fois le choix. Mais quand tu penses que tu n'as pas le choix, en tout cas, c'est bien C'est spécial, mais ça va tout le tordu. temps nous amener à faire, à nous montrer qu'on est faible. Puis. Mais puis ça donne l'impression qu'on justement on est comme des victimes de forces qui nous échappent ou qu'on est victime de complots. L'affaire dès qu'on est victime, des fois c'est vrai. Si au sens où tu l'observes puis tu le vois que tu es victime, puis tu le vois, c'est même pas une pensée ou une réflexion ou une conclusion ou c'est même pas une opinion, c'est la réalité. C'est pas pareil que quelqu'un, par exemple, qui dit, oh, je suis victime de ci, je suis victime de ça, puis il est tout le temps en train de construire dans sa tête, il remarche ça puis se mettre dans le rôle d'une victime. Ça, c'est un manque d'identité. C'est un manque de conscience. J'en ai vu du monde qui n'était pas victime à part d'eux-mêmes, puis qui se disait victime de tout. Mais il y a du monde qui sont victimes pour vrai, puis pourtant, ils ne se sentent pas victimes. Ils agissent pas comme des victimes, puis à cause de ça, ce n'est pas des victimes. Ou bien, ce n'est pas des victimes longtemps. Ben, c'est parce qu'il y C'est en une a qui affaire de peuvent perception. fabuler le fait d'être victime, puis il y en a d'autres que c'est réel, puis ce qui devient subtil, c'est de faire la distinction entre les deux. Mais surtout, c'est parce que des fois, le monde, ils vont dire, je suis victime, mais oui, mais pas de ce qu'ils pensent. T'en as qui délirent, puis qui pensent que leurs voisins les haïssent, puis ouais, ils sont victimes, mais ils sont pas victimes des voisins. Ils sont victimes de leur propre inconscience, puis de leur propre incertitude, leur propre. Dans le fond, tu vas avoir de l'anxiété puis du stress, puis ils vont donner des formes. Ils ont besoin d'un coupable parce que psychologiquement, ils ont besoin d'être dans un monde cohérent pour se rassurer. Faut qu'ils identifient la source du mal. Fait que là, il Dans trouve le un bouc fond, émissaire. c'est ça. Mais c'est des mécanismes psychologiques, ça. Oui, à la survie. Donc, quelqu'un qui va accuser, par exemple, son voisin est complotiste, Ça permet de garder son estime de soi sauve, puis de se remonter en disant, moi, je suis pas comme eux autres, les complotistes. C'est à cause des complotistes que de la contamination que ça va mal dans le monde. Mais encore là, ça me vient un manque d'identité. Quelqu'un qui situe les choses comme ça, il n'y a pas d'identité. Il n'y a Mais pas dans le fond. d'identité réelle, mais lui, il se donne l'identité que c'est le bon, puis l'autre, c'est le méchant qui est complotiste. Ben oui, mais on a été conditionné à penser comme ça. À parler comme ça. Alors qu'au fond, on est tout le temps victime. Dans le fond, souvent, on est complice du fait qu'on est victime. Tu sais, je veux dire, le monde, OK, on a été victime, nous enlever nos droits, nos libertés, gna, gna, gna. Pourquoi moi, je me sens pas victime là-dedans? Tu sais, je trouve ça injuste, puis je trouve que les gens sont victimes de. Mais personnellement, je me suis pas senti la victime de tout ça. Ben, c'est en fonction de chacun. Tu sais, il y a un adage qui dit tout est reçu selon la forme du récipient. Peut-être que tu es plus impersonnel que d'autres personnes. Ben, dans le fond, là, je veux dire, t'es victime si t'embarques. Oui, tu donnes de Tu l'importance sais, à ça. il n'y a personne qui peut t'atteindre sans ta permission. Donc, si. Ben, ça dépend. Je veux dire, quelqu'un qui fait la guerre puis se fait tirer dessus, on ne demande pas la permission puis il peut être atteint puis mourir d'une balle. Ben ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est mis dans la trajectoire de la balle. Ben, c'est-à-dire que y aura toujours un contexte que s'il y a la circonscription puis il est en Ukraine puis il est en âge de combattre, il va être obligé, il va se faire envoyer au front. Mes deux grands-pères, il y avait la conscription, puis ils sont pas allés à la guerre. Mais il faut être rusé. Moi, mon grand-père, il avait été à la guerre, mais il avait été comme mécanicien pour réparer des Jeeps. Comme ça, il n'était pas exposé au front puis aux atrocités. Ben oui. Tu sais, il y a tout le temps une façon. Ça dépend de la vue que tu as. De comment tu vois. C'est ça qui fait que tu vas être dans la trajectoire de la balle ou pas. C'est ça qui est décisif, qui fait que tu es une victime ou pas. Mais c'est pour ça que moi, je regarde ça. Regarde ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Tout le monde est soit d'un bord ou de l'autre, mais il y a les gens qui sont pour la paix puis qui veulent une paix. Genre, qui trouvent que les deux côtés n'ont pas de bon sens, puis que bon, ils sont minoritaires, et ils vont tout le temps être minoritaires. C'est, je veux dire, pour faire une guerre, ça prend du monde qui dort. Ça prend une première gang qui dort, puis après, une autre gang qui est obligée de se défendre, puis là, à force de te défendre, tu t'endors. Fait que là, ça fait une guerre que c'est comme un gros cauchemar. Mais ceux qui sont vraiment réveillés, d'habitude, ils vont pas être dans le sens que Ils ils sont pas vont tous les polarisés territoires d'un apparaître. camp ou l'autre, là. Ouais, mais souvent ils vont acculer ça, donc ils vont voir venir d'avance. C'est pour ça que c'est l'affaire, c'est la vue que tu as. Tu sais, je veux dire, le gars qui est victime, qui reçoit une balle, ben c'est lui qui s'est mis là. Puis si on prend la fin qui est située présentement là, par rapport au conflit là, entre Israël ou Hamas, donc si l'enfant est dans la bande de Gaza, il habite proche d'un endroit où on dit qu'il y a un terroriste, puis là il joue là, puis Israël attaque le bâtiment, il envoie un missile, puis là il y a des gens qui sont à proximité, que ce soit des femmes ou des enfants, sont tués en même temps. Est-ce qu'on va dire à l'enfant qui a 5 ans, qui joue dehors, Non, c'est pas pareil, là. qu'il manque de vision? Ben non, c'est pas pareil, là. Là, t'as une vraie victime. Ben, c'est vraiment différent. Si on le prend sur le plan métaphysique, André Moreau, le philosophe jovialiste, avait déclaré, il n'y arrive un homme ce que lui ressemble, si on traduit ça par rapport à l'enfant. Est-ce que la synchronicité a fait que du destin de l'enfant, c'est être au mauvais endroit, au mauvais moment, qui fait qu'il est mort dans une frappe de missile? Pas ça, on est sur des rationalisations, tant qu'à moi. OK. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça fait partie de la philosophie de vouloir donner un sens à tout. Mais ça fait partie de la nature des choses, pas d'un sens philosophique. C'est l'être humain qui est en recherche, qui est en quête de sens. Mais le monde, lui, ça va au-delà de tout. C'est une affaire de nature puis de mécanique. Parce qu'il dit aussi, il n'y a aucune injustice sur Terre. Bon, ben, il y en a de l'injustice. Il y en a beaucoup. Mais on peut pas dire qu'il y en a pas. Dans le sens que tout serait. Non, non. Lui-même, il était. En tout cas, tu sais, je veux dire, on a tout et il nous arrive tout des. Il arrive toutes sortes de situations dans la vie d'un individu. Mais la question au niveau métaphysique pour aborder certaines situations, des fois c'est intéressant d'avoir une lecture originale plutôt que conventionnelle, de tout simplement dire que ben, l'individu était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais si tu amènes un concept que dans le fond, une synchronicité universelle qui s'opère, puis on est tous interreliés, puis à quelque part, il y a des synergies de destin, puis il y a des réseaux de connexions interpsychiques, un peu comme des neurones qui sont connectés ensemble, qui vont faire en sorte que la personne va recevoir la pensée d'être à tel endroit à tel moment, puis là, la personne, elle se fait tuer. Ouais. Ben, là, moi, je trouve qu'on se casse la tête. Parce que c'est des affaires que, tu sais, dans le fond, je le sais pas, puis je m'en fous. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, on peut. Que Oui, je comprends ce que ça, tu veux dire. moi, je peux rien faire, dans le fond, avec des affaires de même. C'est ça, Ben, tout mais... ce qui a rapport avec la philosophie en général, puis pourtant. La philosophie se pose avec l'amour de la sagesse, puis la sagesse, c'est bien vivre sa vie. Sais, moi, donner un sens à la mort des enfants, ça changera rien à ma vie parce que c'est pas réel. Dans le sens, n'importe quel sens que je peux donner, l'intellectualisation que je peux faire dans mon analyse des affaires, ça change rien au réel en lui-même. Non, je comprends. Ça amènera pas, ça va pas ressusciter l'enfant, ça le ramènera pas à la vie. Il est mort, il est mort. Par contre, dans la tête des parents que l'enfant est mort, si les parents adhèrent à la croyance parce que l'enfant n'a pas été fin dans une autre vie, puis là, c'est le karma qui est liquidé, peut-être qu'ils vont dire, ouf, ça va créer un rééquilibrage énergétique. C'est une façon de. C'est là qu'on voit que l'être humain il est psychologique puis qu'il est faible parce que il a besoin de faire des tours de passe-passe psychologiques pour désalourdir des affaires puis les justifier. On voit ça dans bien des cultures. Souvent, un enfant va mourir, là, il aura, c'est la volonté de Dieu. T'sais, ça s'appelle le truisme. Dans le sens que, bien évidemment, dans le sens que tu me sors quelque chose qui est omniscient puis omnipotent, puis tu me dis, ah, oh, c'est à cause, puis qui englobe tout, tu dis, ah, oh, c'est à cause de, ben oui, ça change quoi, là? Non, c'est sûr que ça ramènera pas l'enfant, par exemple, qui est décédé à la Ben, c'est pour vie. des raisons psychologiques. C'est pour se décharger. Tu sais, c'est un peu ça, là. C'est une façon de décharger un trop-plein. Parce que justement, au niveau psychologique, ça fait des congestions. Parce que, tu sais, tu te dis, je comprends pas pourquoi, puis pourquoi. Tu sais, quand quelqu'un est rendu à pleurer, va dire pourquoi. Ça, c'est parce que le réel, c'est pas psychologique, là. Il y a une congestion. L'émotion, puis c'est pas l'intellect qui va gérer ça. Fait que, mais il y a quand même une tentative de pourquoi. Mais ça exprime tout, ça. Ça exprime à quel point l'être humain veut rationaliser quelque chose qui n'est pas fait pour être rationalisé par son intellect. Mais est-ce que tu dirais que c'est mieux d'être vécu d'une manière brutale et directe dans le sens que la personne constate l'enfant est mort, un peu comme le Doc Mayhew. La personne est morte, c'est fini. Oubliez ça, les affaires de spiritualité, de karma, d'ange. Puis non, non, l'enfant ne Ben devient là, pas un petit ange après, là. Il est décédé, il est décédé, il est dans le néant. c'est pas, je trouve tout si. Ben, il peut pas être dans le nez. La notion de néant fait qu'il peut pas être dans le nez. Ben, je veux dire, il est plus. Dans le sens, il va Ouais, dire, c'est ça. quand il est mort, c'est fini. Il dit, lâchez-moi que la vie après la mort, puis que ça devient des petits anges, des Ben enfants qui là, sont morts. parce que là, à ce niveau-là, ça, c'est aussi stupide, je trouve. Parce que, selon les lois, ça, c'est des lois naturelles, puis bon, l'énergie, ça disparaît pas, ça se transfère. Puis quelqu'un qui est vivant, au niveau, juste ce qui se passe au niveau du noyau de ses cellules, c'est incroyable. Comment que c'est très, très actif, un corps vivant, là, du cellulaire là, qui est électrifié, puis toute la patente. Puis là, ça s'éteint, boum, d'un coup. Il y a tout un corps qu'on voit pas, mais où on peut voir d'une certaine façon, au niveau de certaines mesures. Admettons que par un programme d'ordinateur, tu enlèves tout ce qui est dense, puis pour afficher juste l'activité électrique cellulaire, puis ben, il y a quelque chose qui est allé quelque part. Je veux dire, ça ferme d'un coup. C'est un peu comme quand tu éteins une ampoule électrique. Ouais, mais il reste les photons sont pas disparus. C'est juste ça va tellement vite. Ils sont déjà ailleurs. Ils t'ont même passé à travers sans que tu le saches. Mais là, tu sais, c'est parce que si on tombe d'un extrême à l'autre, là, c'est pas aussi fou à être ben, comme le Doc Mayo, là. Moi, mes yeux, ça aussi, c'est de la folie.